Pour notre ego, on est économiquement esclave. En potentiel. Parce que lui, il est, c'est correct, tu sais, il est gros dur. Mais il chante. J'en connais d'autres médecins. Mais comment c'est que tu trouves ça tard? Parce que d'autres, c'est dans l'esprit qui t'attaque. C'est pas dans la médecine. C'est dans ton esprit. Quand il commence à te faire voir, il commence à te faire voir, il commence à te faire voir. Là, tes vibrations changent. Avant, t'étais médecin, t'étais content, t'étais heureux, t'étais bien, t'aimais ton métier, blah, blah, blah. Là, tu commences à avoir l'inconscience de l'autre médecin, puis l'autre médecin, puis l'autre médecin. Là, tu travailles. Fait quand tu travailles sur toi pendant 10 ans de même, tu peux intéresser tellement à être médecin. Tu serais bien content d'être médecin avec des médecins conscients. Ou être infirmière avec des infirmières conscientes. Ou secrétaire avec dans un bureau de route opérateur conscient. Parce que n'importe quel job est plaisant quand l'environnement est conscient. Tu sais. N'importe quel. Si on fait un taxi, n'importe quoi. Si ton environnement est conscient, tu aimeras ton travail. Et si l'environnement n'est pas conscient, tu n'aimeras pas ton travail, comment est-ce que c'est un travail qui est très rémunérateur? Il faut que ce soit joliment rémunérateur pour qu'on arrive à dépasser la souffrance dans l'esprit liée à ce travail-là. On change-tu jusqu'à quand tu veux pas faire de l'allure qui nous saute? On veut mieux que la vie change. Ça dépend toujours du travail qu'ils font sur nous autres. Ça dépend toujours de notre sensibilité. De combien ils nous font voir. Non, non. L'inspiration, qu'est-ce que c'est? L'inspiration, c'est l'énergie créative dans votre mental qui vient de nous. Quand on a moins gamin. C'est parce que vous êtes empêché dans votre activité. Ouais. L'inspiration et l'intuition, c'est la même chose. Ça passe par les mêmes sens. Quand vous en avez moins, c'est parce que c'est une souffrance. C'est dur d'accepter. C'est une tension. C'est un changement vibratoire. C'est un travail intérieur qui se fait. On a l'impression d'avoir des idées tout de suite. C'est ça. Mais oui. Ça revient, mais on dirait que c'est pas comme avant. Plus on essaie de trouver le moins, c'est moins ça. C'est plus aussi facile dans votre domaine qu'avant au niveau personnel. Quand on prend des gens autour de les autres, c'est tout pour lui, on a peut-être pas conscient de ça. Avec on s'est accusé, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, c'est des brins, c'est quoi exactement? C'est des bains noirs, c'est tout travailler ça, là, c'est du plat. T'as l'impression que toi, tu veux rester là, t'as l'impression que ça tombe autour de toi. Là. Assez te déranger. Des fois, tu restes là quand même, mais tu ne comprends pas ce qui se produit. Vous êtes toujours en action avec des individus qui ont un certain niveau de conscience. Ce niveau de conscience-là, de vibration, ça vous crée des tensions. Les tensions que ces gens-là vous créent, vous pouvez soit les supporter ou en arriver à plus les supporter. Alors, entre les deux, il y a un travail qui se fait dans vos corps. Vous ne pouvez pas supporter l'inconscience autour de vous autres indéfiniment. Pour répondre à cette question-là, qui est complexe, c'est ça la réponse. Mais, ça veut dire que des fois, il y a une personne spécialement qui est placée là. Oui, ça fait partie. Ce n'est pas qu'elle est spécialement placée là, ça fait partie de tout. On ne peut pas comprendre télécosmiquement comment est-ce que la vie est organisée. Mais chaque personne qui est dans la vie nous conditionne à un niveau. Le plus grand danger dans le travail aujourd'hui, là, pour les gens qui se conscientisent, là, c'est de penser que leur job est finalisant. Ouais. Faites bien attention à ça. Imaginez-vous pas, il dit attachez-vous pas au poteau, au totem. Pas s'attacher à ce qu'on fait. Attachez-vous pas jamais à ce que vous faites. Si tant que ça marche, ça marche. Ouais. Attachez-vous pas à votre job. On n'est pas moins gueulé de ça. Pardon? On n'est pas quoi? Je vais gueuler de ça.

On a le choix de vivre toute une vie, puis souffrir, plus ça va, plus ça va par qui tu vas dire, ou de comprendre certaines choses qui nous amènent à cette fameuse autonomie. Le centrisme. Fait que là, tu commences à respirer un petit peu plus, à tous les semaines, un petit peu plus, à tous les mois, un petit peu plus, un mois. Un petit peu plus à tous les mois, pas à tous les ans, un petit peu plus. Puis éventuellement, ça arrive, tu vas être l'air en maudit, Charlie. Puis là, ce qui arrive, c'est que tu deviens de plus en plus autonome. Ça va nouer l'autonomie. Ça va tellement nouer l'autonomie qu'éventuellement, tu ne veux même plus être obligé de prendre de l'électricité de l'Hydro-Québec. Tu ne veux pas être obligé de prendre du gaz des Arabes. Tu sais, tu t'organises, tu t'organises. Chez nous, c'est un vrai coffre-fort. Fait que là, quand tu parles avec les autres, tu vas te dire, mais pourquoi tu ne construis pas tel principe de machine pour te faire suffisamment d'énergie pour ton poêle, ton feu clair? Ça va être ouais. Fait qu'éventuellement, tu deviens autonome. Tu peux rester là 24 heures sur 24, toute l'année, pendant 10 ans, puis jamais sortir de ton trou. Tant que tes taxes à payer. Ça va être ouais. Hein? T'es obligé de payer des crises de taxes. Les taxes. Mais il dit un homme, le pays. Deux versants. Puis plus on devient supplémentaire, plus on va être libre. Je parle pas de liberté politique des gens, là. Je parle libre en dedans. Et là, tu commences à vivre. Là, tu commences à étudier. Tu commences à t'intéresser à des choses. C'est ça. Tu commences à parler avec d'autres. Ils te montrent, ils te disent quoi faire. Ils connaissent ça une fois, c'est ça va être bien. C'est le meilleur temps. C'est que tout le monde c'est ça, mais avant d'en arriver là, t'as un temps mort. Moi, je dis ça pour moi. Là. Oui. Avant d'en arriver là, t'as un temps mort, puis c'est dans ce temps-là qui est important. C'est ce temps-là qui est important, mais c'est là que le tourning se fait. Au moins, tu sens petit à petit, tu t'en vas quelque part. Ben, tu sens où tu t'en sens. Tu en arrives à sentir. Tu t'en vas. Tu sais pas où. Ouais. C'est pour ça que la communication avec eux autres est essentielle dans ce sens-là. La fameuse mécanisme des questions et réponses. Au moins, ça peut te donner une idée. Que t'es pas d'un cul-de-sac, même si tu peux te sentir d'un cul-de-sac de temps en temps. Les malaises que t'as, c'est ça ou le mélange de malaise? Vos malaises. Vos malaises sont liés à votre... vos malaises sont liés à votre corps astral. Votre corps émotionnel. Le travail qui se fait sur vos corps. Vous autres, c'est dans votre émotion, vous deux. C'est dans votre émotion que tout le travail se fait. Ouais. Éventuellement, vous allez en avoir moins. Quand vous souffrez moins. C'est la souffrance, c'est ça. Pas trop vous souffrir. Ça tient à l'étiquette. Mais la souffrance de l'ego quand il se conscientise, la souffrance de l'ego quand il est inconscient, c'est pas pareil. C'est deux sortes de souffrance différentes. Une à vaut le coup, l'autre à vaut rien. L'autre a sert simplement d'expérience. Tandis que l'autre, elle change tes corps. C'est quand tu parles de l'homme qui travaillait sur d'autres, c'est ça la multidimensionnalité. Quand tu parlais de mémoire tantôt par rapport à la conscience, je vais essayer de faire le choix de la question que tu peux m'entendre. Ça se peut-tu que tu travailles sur d'autres plans, mais tu es allé travailler sur ça, tu t'en vas travailler sur d'autres plans. Puis tu reviens sur ce plan-ci, avec des expériences nouvelles, dont ta mémoire, mais Et pas certaines, t'as juste des brides de mémoire. Parce qu'il y a des changements dans ta vie matérielle aussi, dans ta vie tous les jours. Il y a des intérêts qui sont là, qui n'étaient jamais là avant. Puis, la réponse est oui. Mais tu n'es pas conscient, donc ça sert à rien. Bon, mais il y a une bonne conscience qui répond. Ouais. Mais tu n'es pas conscient, donc ça sert à rien. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien là parce que les trucs de l'énergie. Ça fait partie de la conscience. Tu peux être chez vous puis sortir de ton corps et faire l'ignore, c'est fort. T'ajoutes à ton expérience. C'est pourquoi tu t'appelles mais. Si ça donne, tu vas ignore. Avec ton corps. Tu prends l'expérience, tu vas ignore. Quand tu y vas, en dehors de ton corps, même chose. Vous posez un corps, tu peux promener. Ah, mais plus vite, moi. Vous de manière non, pas de manière à vous parler. Qu'est-ce que c'est pour ça? Vous comme ça. Il n'y a pas de recette. Desfra. Ben, moi, je te repose ma question. Tu l'accroches encore quand tu n'es pas fini là. Tu laisses là. Tu manques qui ont de quoi? Tu l'as dit, tu laisses à la paix. On est brillés. Tu dis à ta fille. On est brillés. Je pense que tu es mort. Tu ne comprends pas, il panique. Quand t'en viens, sauve-moi. Tu t'es fait. On va retourner aussi. Aux choses importantes. C'est une lampe que je t'apprends pas. Venir à l'abstinence. Je vais aller mon corps parce que ça. Mais entre deux personnes, j'ai de la conscience garantie. T'avances, l'émotivité, l'émotion ensemble. Elle diminue. Tu enlèves quelque chose, tu as donné quelque chose. Ouais. Puis les deux personnalités deviennent plus mentales. C'est un autre niveau de conscience, c'est un autre rapport, c'est un autre. Vibration, c'est un autre lien. La nature du lien change. Le lien devient plus impersonnel, mais plus réel, moins sujet aux divagations de la conscience de l'État, moins sujet aux intempéries des autres. Plus tard, il y a moins de haut et de bas, il y a moins de conflits. Il n'y a plus de rapprochement au niveau du mental. Il y a un développement parallèle des deux êtres vers la recherche, la compréhension de ce qui est. Un remplit l'autre de ce qui c'est, l'autre remplit l'autre de ce qui c'est. Il y a un ajustement qui se fait entre les deux. Est-ce qu'à ce moment-là, qu'on utilise moins de temps? Dans le sens, prendre langage, prendre parole. On en arrive à comprendre en parlant le moins possible. Oui. Vous pouvez avoir un moins grand débit, ou un aussi grand débit, ou un plus grand débit, mais l'utilisation des formes est beaucoup plus objective. Beaucoup plus non attachée de la personnalité. Beaucoup plus mentale. Là, vous avez du vrai dialogue. Vous vous nourrissez tous les deux de ça. ça devient une nourriture. Une nourriture réelle. Les heures passent plus vite. Mais avoir une question. Alors, le monsieur à côté, il demandait la différence entre le voyage astral et puis le voyage en quoi tu parles. À la nuit, toi, une chose là, peu importe. Puis, il semblait y avoir, et même, il semblait pas y avait une différence entre les deux. Mais c'est ça, là. C'est bête avec ton corps éthérique. L'émotion qui se passe juste avant, est-ce que tu peux le faire, ça devrait s'atténuer dans la langue? Hein? L'émotion que ça produit quand on sort de la chambre, est-ce que ça, c'est toujours comme ça, bon, si ça finit par s'atténuer? Ça s'ajuste. Le corps éthérique est nécessaire à la vie, je dis. Puis, c'est faire du corps physique, le corps physique. Je ne serai pas longtemps à vie. À moins qu'il ait, comme les Félix, cette pièce en deux. Il a dit une pièce, je fais une petite pièce. Comme les Félix, plus super en trois. Bon, là, ça va aller correct. On va espérer mon corps physique. Un autre game. Ce qui me dit au sujet de la question qui vient de poser, il dit que le corps éthérique, c'est la copie exacte du corps astral, mais n'est pas retenu par aucun lien comme le corps astral est pris par un lien. Le poilet, il fonctionne en relation de le. Une immensité qui n'est pas tellement grande de voyage. J'ai pris comme un cordon, comme un enfant qui vit au monde. On ne coupe pas le cordon, il reste en pris, il n'a pas de centre. Le corps astral, lui, est pris comme ça. Je ne peux pas apprendre grand-chose. Le corps éthérique, c'est une reconstitution libre. Vous pouvez voyager beaucoup plus vite, voir n'importe où aller, pratiquer. Est limité sans cordon, sans lien, parce que c'est une création. Et puis, on peut nous avoir plusieurs. C'est la grosse différence. Si on les voit, pour ceux qui sont voyants, un corps astral qui est fait par un corps, le corps qui est fait par le corps, qui est fait. Très gros, ça, le voyage, justement, à l'aide du corps éthérique, parce que c'est toujours comme ça. J'ai demandé, comme ça. Grande différence. Excusez-moi. Mais comme dit le corps astral, c'est limité. Le corps astral, c'est comme un autobus qui a besoin des fils électriques pour fonctionner en ville. Depuis la ligne jusqu'à des fils électriques. Si tu enlèves les fils électriques, il ne faut pas aller nulle part. C'est comme un pouvoir, c'est ce que ça nous est donné, ou si on... J'aime pas ça, les mots pouvoir. Moi, je suis content de vous parler. Le mot pouvoir, c'est un concept humain qui provient de la recherche dans l'ego de quelque chose d'autre, de quelque chose d'illimité, de quelque chose qui est en dehors de son expérience. L'homme est pouvoir. L'homme, il est pouvoir. Mais il ne réalise pas ce qu'il est, alors il n'y a pas de pouvoir. Parler de pouvoir, c'est comme parler d'impuissant. Quand vous parlez de pouvoir, vous n'êtes pas. Quand vous avez des pouvoirs, vous en parlez. Vous n'en parlez pas. Quand je serai dans le pouvoir, est-ce que ça va m'être donné ou si j'ai un travail personnel à faire pour découvrir ça, ce pouvoir-là à moi? Le pouvoir, ça ne vient pas de vos efforts personnels. Le pouvoir, c'est dans l'homme, le pouvoir. C'est l'énergie de l'âme. Il faut que les connexions soient faites. Cherchez pas le pouvoir, vous allez vraiment si vous cherchez le pouvoir. Pas le pouvoir, chercher le pouvoir en même temps. Le pouvoir, ça appartient pas à l'homme. Il est le pouvoir, là. Ça appartient pas à l'ego, le pouvoir. Les gens sont fascinés par le pouvoir. Le pouvoir est aussi réel, puis c'est aussi présent que la vie matérielle. C'est pas conditionné par l'ego. L'ego, il parle avec des manifestations de pouvoir. Il a besoin du pouvoir, pas du pouvoir. Des dons. Le pouvoir, c'est pas un don. Quelqu'un qui guérit, c'est un don. Bleu du karma. Être dans le pouvoir, c'est libre. Tu sois libre pour être dans le pouvoir. Tu ne peux pas subir un pouvoir. Un homme qui subirait un pouvoir et qui serait inconscient, il serait fou. Il serait esclave du pouvoir. Le bien du monde sont esclaves du pouvoir. Les gens qui guérissent, là, qui sont pris dans la forme spirituelle de guérir, puis chaque fois que tu te rends compte, tu te demandes si t'as pas mal à quelque chose. Ils veulent te guérir. C'est dans l'âme. Ça fait partie de l'âme. Ça fait partie de l'énergie de l'âme. Faut que l'ego se conscientise et traiter avec ses énergies. C'est cosmique le pouvoir. C'est là, ce soir. Il est là. L'ego universel, c'est au début. Là. Non, on parle de l'autre. La terre. L'électricité de Reagan. C'est important. C'est un karma, ça parle. C'est pour la régénération des Américains. Ou... Je mets le faux cul aux Américains. Contre la violence. La conscience américaine. Ça va rendre le système judiciaire un petit peu plus raide. Ben, toi, moi, je le sais. Je n'ai pas dit. Je n'aurais pas cru. Mais c'est bon, Reagan. C'est bon, son image. C'était le zéro, là. Les Russes sont pas contents, mais ça durcit la taille des Américains. À ta moment que vous êtes là, ça va me visiter. Vas-tu garder son idée derrière maintenant? Ils sont allés se faire casser. Non, non. De réarmer tout le monde? Ah, oui. Le corps d'âme, le corps d'âme, vous connaissez tout le monde. Ils ont bien la difficulté à l'élect ce problème-là, parce que M. Sussley, l'Amérique est divisée en secteurs à ce niveau-là. Dans le sud, ils sont moins forts les armes, dans le nord, ils sont moins forts les armes. Puis il y a des lobbies trop puissants. Mais l'effet de ça va être au niveau judiciaire. Rien de tuer la peine de mort, là, aller aussi loin que ça. Ça peut changer dans certains états. Ouais. L'Amérique va devenir extrêmement sévère au niveau judiciaire. Là, les autres pays vont suivre. Ils m'ont dit que c'est un événement important. Tu veux commencer à arriver vite à l'événement, non? Même si ça avait été tué. Ça n'aurait pas changé de fait. Comme ça, ça devait être le fait était là quand même. Le fait de ne pas prendre le place. Le fait de tuer le régime, puisque là, il y avait pas pour le vétérinaire. Ah, il a pour tuer. Oui, il faut que ce soit pour tuer. Il faut que ce soit pour les Américains, c'est une chose. Même chose, non. Les Américains sont fatigués de la violence. Il y a l'affaire à Atlanta. Là. Les petits noirs. Je sais qu'il n'y a pas un voyant qui clôt. Ah, il y en a, on les voyait. Qu'est-ce que c'est grand? Qui c'est qui parle au voyant? Tu dis, imagine-toi qu'est-ce qui se passe. Si les autres, ils veulent que le voyant, qu'il y ait un voyant qui sache à tant de temps, il faut qu'il y ait tant de meurtres avant. Ils n'ont pas pressé. Quand tu dis qu'est-ce qui serait arrivé, c'est ta mort, il n'y aurait pas été le premier. Ils savent à quoi ils s'exposent quand ils s'en vont dans les jobs d'enfants. Oui, mais c'est au niveau. Au niveau du peuple, c'est toujours une expérience traumatisante. Mm-hmm. Les Américains prennent ça très au sérieux. C'est un peuple très sensible, l'Amérique. Mais c'est un événement important, c'est un événement de poids. Au lieu de condamner le petit gars, il faut penser que c'est l'esprit qui est derrière tout. Ouais, mais ça faudrait que les psychologues le sachent. Ça va arriver à Trudeau? Tu mettrais la peine d'or? Je te l'ai demandé. Je dis quoi ce qui est en violence, excusez-moi? Je dis que la raison pourquoi ce qui est en violence, excusez-moi, c'est parce que les États-Unis, c'est tellement vaste. Il y a tellement de richesses. Tous les hommes veulent faire quelque chose, veulent parvenir. C'est tellement vaste que l'individu, là, il n'y a pas de racine. L'Américain, là, il n'y a pas de racine dans son pays. C'est trop vaste. Pas simplement sur le plan espace, sur le plan pouvoir économique, sur le plan pouvoir politique. C'est vaste. Je ne sais pas si. Ceux qui sont allés aux États-Unis, c'est vaste. Tu rentres là-dedans. Tu vas à Chicago, à San Francisco, à Atlanta. Des villes comme New York, Canada, de même. C'est vaste, vaste. Fait que l'individu n'a pas de racine. Il est perdu là-dedans. Fait qu'il se crée éventuellement comme une sorte de chez certains individus, il se crée comme une sorte d'anxiété. Puis les contacts se font facilement. Des gens pour tuer des présidents américains, il y en a en masse. Il y en a même. Tandis qu'au Canada, c'est pas le même. Au Canada, c'est, même si c'est vaste au niveau de la région, c'est petit au niveau de la construction des hommes. T'as plus l'essence de pouvoir t'infiltrer dans ta tente, de faire des changements, de faire quelque chose. Comme les ceux qui sont pour le, je sais pas, ceux qui sont pour le Parti québécois, là, au Québec, ils ont plus le sentiment de pouvoir faire quelque chose. Dans le système. C'est plus petit. Bon, aux États-Unis, que tu sois républicain ou n'importe quoi, c'est tellement vaste. C'est trop vaste, c'est l'Amérique. Ils disent en Russie, c'est moins vaste. Parce qu'en Russie, le système est imposé au peuple. La formule est imposée, le peuple dit ça. Tandis qu'aux États-Unis, il n'y a pas de formule d'imposer, la formule est d'inverse. Ouais, mais tu dis, en Russie, ça ne limite pas leur créativité, ça? Ah, effectivement. Ça ne les limite pas aussi dans leur évolution. Très. Seulement, l'individu lui-même,